Lilo, Ladvig, Alsace, Pablo, B6, B10, B14, Love Love V12, 92, shit, B17, cliche cliche, 9-2, shit. Ta vie c'est dirigeance au bras d'un sac. Au double de vigilance, sinon c'est l'hôpital Sainte-Anne. Faut que je pète le place à ta du rap, faut que je passe à ta gratte. Ma place, faire le tour de l'Atlas, hors d'atteinte en classe, matelas. Avec des tasses et des draps de satin. Avocat des grattes, dans les bras de Satan. Nous 6 kilogrammes et drames en salle d'attente. Je pète les plombs pour les souillons, les saltins. Banque, c'est la BBB, joue le braquage, la bombe. En petite équipe, le pied ferme déjà 7 heures. Quand mes prestos scoutent les terre-terre. Les barrettes ont toutes des problèmes d'épaisseur. C'est pas de la baisse, juste qu'on a besoin de baisse. Juste qu'on a besoin de rêve, de cash et de fraises dans l'envers de ta veste. C'est système inverse dans le rap, abus de ma personne. Même envie de ma perte, je m'aperçois que ça fait mon perso. Je pète la pendance, bordel, je connais personne. Alors protège ton bout de parcelle comme Marcel si tu t'interposes. Pas les fous, arrête de parler seul. Quand je suis à bout, je me lâche la planète seum. C'est j'aime, si j'ai le seum, je vais te choper par les œufs. Les vrais savent, le style est appréciable. Toi t'as pas pigé le message, alors viens pas me check après ça. Je les emmerde tous, ces bolos qui s'ouvrent leur gueule. J'ai de l'orgueil, ils sont là à s'afficher comme Steve Urkel. Demande à Sturma, ghetto Christo, bouge ton tarma. Tata, c'est ce qui est marqué sur les cryptos. Le mec qui pose, c'est Wira des AK. Bien sûr que ça claque et que ça donne des échymoses. Y'a pas moyen qu'on me duplique. Voyons, on voit du pif, petite bitch, j'ai fait vite, non d'une pipe. Tu déprimes, c'est normal, je me fais rare comme l'or noir. Ouais, mais bon, lorsque j'arrive, tout le monde me remarque. Je fous le bordel de champéré à poisse clichy. N'aie pas la rage, jette-toi à l'eau, même s'il y a pas de piscine. Mon son te dévisage et t'agresse tard le soir, ma gueule. On sort des voies de garage où les dents grasses, aucune chance t'accueille. Prends du recul, ma sale ganache vient faire le grand saut. On marche pas en titube, à 2D encule les grandes ondes. Gratte mes thèses à l'essence, histoire de brûler l'épreuve. Faites de la place à l'inconscient qui trans l'instru à coup de la gueule. Ne confonds pas avec ces pailles qui suivent les tendances. À sauce de dingue, c'est plusieurs fous qui trinquent à l'indépendance. On sort de nulle part, mais tu nous croises partout. En 2008, plus de confiance, il va falloir régler des comptes. Nightmare. ODT.